les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Darzac en prison. Monsieur Robert Darzac veillait sur le repos de sa fiancée Mathilde Stangerson. Mais Monsieur Robert Darzac fut appelé par Monsieur le juge d'instruction. Mais Robert Darzac a dit à Rouletabille « Si vous voulez me sauver, il ne faut rien savoir ». Seulement, Rouletabille, lui, connaît les deux moitiés de l'assassin. Et depuis, la situation a évolué et va évoluer vers plus de mystères, puis plus de vérité. C'est le principe d'un feuilleton policier. Voici les épisodes 20 et 21 de ce feuilleton, tiré du mystère de la Chambre jaune, diffusé pour la première fois sur France Culture les 28 et 29 août 1983. Le mystère de la chambre jaune, de Gaston Leroux. Adaptation Philippe de Rèze. Avec Philippe Nicot dans le rôle de Rouletabille. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat. Saint-Clair, vous êtes avocat comme nous. Nous voici à quelques heures de l'ouverture de ce procès de cour d'assises. Et il faut bien reconnaître que Darzac risque une peine très, très lourde. Un meurtre, deux tentatives d'assassinat. Il joue sa tête. Et nous en sommes à attendre que la vérité sorte d'une enveloppe, comme d'un chapeau de magicien. Oh. De deux choses l'une. Ou bien le contenu de cette enveloppe peut nous aider à sauver notre client, et c'est tout de suite qu'il faut l'ouvrir. Ou bien le contenu suffit à lui seul à le disculper. S'il en est ainsi, notre présence au procès est parfaitement superflue. Et dans ces conditions, c'est tout le barreau qui se couvre de ridicule. Oh. Que puis-je répondre? Si Rouletabille a fait dire à son directeur... Agissez suivant mes instructions si la chose devient nécessaire. C'est qu'il a ses raisons. C'est que l'intérêt même de la cause de Robert Darzac l'exige, le commande. Alors, je vous assure que j'ignore pourquoi, mais c'est ainsi. Mon cher confrère, nous comprenons fort bien votre façon de penser et nous la respectons. Mais nous n'avons pas les mêmes raisons que vous de nous satisfaire d'une simple conviction. Vous connaissez très bien Rouletabille. Nous, non. Sinclair, oubliez toutes ces données. À notre place, très sincèrement, que feriez-vous? Eh bien, Rouletabille affirme Robert Darzac est innocent. J'ai l'impression qu'à votre place, je défendrais Robert Darzac avec tous les éléments dont je dispose. Comme si aucun fait nouveau ne devait intervenir, et espérant fermement qu'il interviendra. Décidément, Sinclair, vous aurez raison chaque fois que vous défendrez le dossier Rouletabille. Cela dit, vous nous demandez de faire notre devoir professionnel les yeux fermés. Et tout cela pour respecter le caprice d'un de nos plus jeunes journalistes qui, si l'on en croit l'article de l'époque, sera demain une célébrité de la presse. Soit. Nous jouerons le jeu, Sinclair. Est-ce que vous êtes d'accord? Le moyen de faire autrement. Mes amis, j'ai vu Rouletabille à l'œuvre. Quand l'affaire du château du Glandier a éclaté, il m'a pratiquement tiré du lit pour me traîner sur place. Tous les représentants de la presse avaient été évincés. Lui, il est entré. Frédéric Larsan, un de nos plus grands policiers de France, pratiquement infaillible, menait l'enquête. Eh bien, ce jeune journaliste, comme vous dites, a mené la sienne exactement comme si Larsan n'existait pas. Il a découvert, stupéfait, l'erreur où se fourvoyait tout le génie du célèbre détective. En vain, il a cherché à le rejeter hors de la mauvaise piste où il s'était engagé. Et le grand Frédéric Larsan a réagi comme vous avez eu tendance à le faire. Oui, messieurs, il n'a pas accepté les leçons de ce petit jeune homme. Sinclair, nous plaiderons comme vous le souhaitez. Et nous l'en sortirons, avec difficulté, si votre ami nous fait défaut. Et brillamment, à vous en croire, s'il daigne faire son apparition. Dites-moi, qui préside? Le bâtonnier Rocou. Oh, il est foncièrement honnête, ça. Avec un rien d'ingénuité de temps en temps. Vous pensez à cette réplique qui le marque encore? Je dois dire, ce n'est plus le magistrat qui parle, c'est l'honnête homme. Évidemment, ce jour-là, un ange est passé dans le prétoire. Il y a si longtemps. Et qui faites-vous citer comme témoin? Oh, je pense que la déposition du professeur Stangerson devrait être déterminante. Il n'a cessé de proclamer sa conviction dans l'innocence de Robert Darzac. Mmh. Vous l'avez vu récemment? Il a vieilli de 10 ans, le pauvre. Non. Il est méconnaissable. Si seulement on pouvait faire appeler Mathilde à la barre. Elle sauverait Darzac, c'est plus que certain. Ah bah tiens. Il ne fait aucun doute que si elle était en état de déposer, elle réclamerait aux 12 jurés de Seine-et-Oise l'homme dont elle voulait faire son époux et que l'accusation veut envoyer au bois de justice. Malheureusement, nous ne pouvons compter sur elle. Espérons donc la présence miraculeuse de notre cher Rouletabille. Vous allez sourire, mon cher Henri Robert, mais je suis persuadé qu'il viendra. Et je base ma conviction sur le côté le moins noble de son caractère. Je veux parler de son goût pour le coup de théâtre. Selon moi, cet après-midi aux Assises, vous verrez Rouletabille. Acceptons-en l'augure. Si l'on en croit les déclarations du directeur de l'époque, c'est 50-50. Tenez, écoutez cela. Aujourd'hui, 15 janvier, alors que s'ouvre le procès Darzac aux Assises de Versailles, notre journaliste Joseph Rouletabille n'est pas encore rentré de sa mission. Peut-être ne le reverrons-nous jamais. La presse, elle aussi, compte ses héros victimes du devoir, le devoir professionnel. À cette heure, Joseph Rouletabille n'est-il plus parmi nous? Si cela est, nous saurons le venger. Notre directeur en personne sera cet après-midi à Versailles et suivra le procès. Il aura avec lui la lettre qui contient le nom de l'assassin. Eh bien, je souhaite de tout mon cœur que nous n'ayons pas à venger Rouletabille. Autrement, je jure, moi aussi, de tout mettre en œuvre pour faire payer sa mort à l'assassin. La cour. Gendarmes, faites entrer l'accusé. Le ministère public contre Robert Darzac. Greffier, veuillez lire l'acte d'accusation. L'accusé Robert Darzac comparaît devant les assises de Versailles sous un double chef d'accusation. Tentative de meurtre sur la personne de Mathilde Stangerson et assassinat du garde du château du Glandier. Robert Darzac, vous venez d'entendre l'acte d'accusation. Vous savez quelle lourde charge pèse contre vous. Hélas, vous vous obstinez dans un silence gros de conséquences. En tant que président du tribunal, il est de mon devoir de vous prévenir que si vous persistez dans cette attitude, que les jurés eux-mêmes finiront par considérer comme négative, vous risquez la peine capitale. Monsieur le Président. Oui, maître. Plaise à la cour de ne pas conditionner défavorablement le jury. Maître Henri Robert, je ne conditionne pas le jury. J'informe l'inculpé. Je serai sensible au fait que vous vouliez bien saisir cette nuance. Oh, je saisis, monsieur le Président, je saisis. Monsieur Robert Darzac, je renouvelle mon injonction. Vous risquez la peine de mort en vous taisant. Je subirai mon sort, monsieur le Président. Mais je persiste à clamer mon innocence. Silence dans la salle. Qu'on fasse entrer le premier témoin. Monsieur le Président. Maître Henri Robert. Avant l'audition des témoins, place à la cour d'autoriser la défense à faire une déclaration préliminaire. La cour y consent, mais vous demande d'être bref. Merci, monsieur le Président. L'homme que vous avez devant vous, monsieur le Président, messieurs les jurés, cet homme est un homme de science. Mieux que tout autre, il sait tirer d'un faisceau de faits la conclusion qui en découle. Il connaît admirablement la valeur des faits dûment constatés. Vous pouvez aisément imaginer que ce savant n'ignore rien des faits que nous connaissons sous le nom de mystère de la chambre jaune. Il sait, bien sûr, que ces faits l'accusent. Et cependant, il se tait. Aussi, lorsque Monsieur le Président recourt, faisant preuve de son humanisme légendaire, s'emploie à montrer à mon client le risque affreux, le risque fatal qu'il encourt, Robert Darzac déclare simplement « Je subirai mon sort, je suis innocent. » Monsieur le Président, messieurs les jurés, seules les âmes héroïques, seuls des caractères d'exception sont capables, et pour des motifs élevés, de regarder la mort en face, tout en proclamant bien haut qu'elle est injuste. Prenez garde, messieurs. Robert Darzac est une victime. Victime de sa propre exigence de l'honneur et de sa discrétion. Oui, Robert Darzac se tait. Il se tait par devoir. Je vous supplie de ne pas lui en tenir rigueur. Un dernier mot. En usant du privilège qu'a bien voulu m'accorder le président recours. Chacun ici a pu lire la presse, et particulièrement dans le journal L'Époque, un article annonçant une révélation sensationnelle. Une enveloppe contient le nom du véritable assassin. Du calme, un peu de silence, je vous prie. Le directeur du journal que je viens de mettre en cause est ici. Il est assis au premier rang du public. Et il tient une enveloppe. Je demande au public de respecter la solennité des lieux. Cette audience doit se dérouler dans le calme et la sérénité. Avez-vous terminé, maître Henri Robert ? Monsieur le Président, messieurs les jurés, je prends l'engagement envers la cour, envers mon client, envers la justice, de ne tenir aucun compte de ce que pourra révéler cette lettre et de m'en tenir strictement au dossier de l'affaire. Je suis sûr de l'innocence de Robert Darzac et je souhaite que ce soit vous, messieurs les jurés, qui la fassiez éclater vous-même. Silence ! L'attitude du public est intolérable ! Je vais être obligé de faire évacuer la salle. Huissier. Oui, monsieur le président. Introduisez le premier témoin. Madame Clarisse Mathieu. Je vous prie, madame, reprenez-vous. Et permettez-moi de vous dire que, de toute façon, vos larmes sont trop tardives pour être vraiment efficaces. Vous avouez donc que vous étiez la maîtresse. Donc, je vous en prie. Que vous étiez la maîtresse du garde. Ce garde que l'on appelle dans la région l'homme vert. C'est bien cela. C'est bien cela, n'est-ce pas, madame ? Répondez d'une façon précise. Eh bien, répondez. Oui. Dites oui, monsieur le président. Oui, monsieur le président. Et votre mari, monsieur Mathieu, a fini par être au courant de ces relations que la morale réprouve. Oui. Mais Mathieu n'a pas tué le garde, monsieur le président. Il l'a pas tué. Non, il l'a pas tué, ça je le jure. Messieurs les jurés apprécieront. Je vous remercie. Huissier, reconduisez le témoin. Avec la permission de la cour, je souhaiterais l'audition de Frédéric Larsan, s'il était possible de l'appeler à la barre. Je rappelle à la Défense que l'ordre d'audition des témoins a été défini. Je ne crois pas qu'il faille y revenir. Je ferai respectueusement remarquer à la Cour que M. Frédéric Larsan estime, et il ne s'en est pas caché, que l'on ne peut expliquer la mort du garde autrement que par l'intervention du père Mathieu. Étant donné la légitime notoriété de M. Frédéric Larsan et les dénégations de la femme même de l'intéressé, la Défense pense qu'il est du plus haut intérêt pour l'affaire d'éclaircir au plus vite cet aspect du drame. C'est uniquement dans ce sens que la Défense s'est permis d'insister pour obtenir la déposition de Frédéric Larsan. J'ai terminé, monsieur le président. La Cour accepte les raisons de la Défense. Huissier, priez monsieur Frédéric Larsan de venir à la barre. Pour résumer, monsieur le président, je ne vois pas la nécessité de faire intervenir le père Mathieu dans tout ceci. Le sentiment de sa disgrâce l'a certes rendu agressif, mais il est volontiers coléreux, surtout après la fréquentation régulière de plusieurs bouteilles. J'ai fait part de ces remarques à M. de Marquet, mais les propos meurtriers du père Mathieu lui ont évidemment nui dans l'esprit du juge d'instruction. pour moi. Et je le répète encore une fois, les tentatives de meurtre sur la personne de Mathilde Stangerson et l'assassinat du garde ne sont qu'une seule et même affaire. Expliquez-vous davantage, monsieur Larsan. Volontiers, monsieur le président. Eh bien, on a tiré sur l'agresseur de Mathilde Stangerson qui fuyait dans la cour d'honneur du château du Glandier. On a pu croire un instant l'avoir tué, mais à la vérité, l'homme n'a fait que trébucher au moment où il disparaissait derrière l'aile droite du château. Et c'est là, monsieur le président, que l'assassin a rencontré le garde. Celui-ci a sans doute voulu s'opposer à sa fuite. Il venait de signer là son arrêt de mort. L'assassin avait encore en main le couteau avec lequel il venait de frapper 3 fois la fille du professeur. Il frappe le garde d'un coup au cœur. Et c'est ainsi que le garde mourut. Je vous remercie, monsieur Larsan. Cette explication est lumineuse. Nous n'en attendions pas moins de cette expérience que vous avez si souvent mise au service des affaires criminelles les plus embrouillées. Oh, maître. Messieurs les jurés, votre tâche est à la fois très difficile et très simple. Simple, parce que le bon sens est dans ce mystère tragique et souvent incompréhensible le meilleur des guides. Mais parce que les ténèbres sont épaisses, votre tâche est difficile, très difficile, car les faux-semblants abondent. Parce que la tentation de croire que l'on a compris en se basant sur des faits aussi évidents qu'ils ont l'air de vous faire signe, cette tentation, messieurs, est ensorcelante. Il faut s'en méfier. Prenez-y garde, messieurs les jurés, et décortiquons chacun des faits avant de nous en servir comme pile de pont pour soutenir cette passerelle que nous jetons sur la rivière du doute afin d'aborder l'autre rive, celle de la vérité. Bravo, bravo, bravo, bravo. Maître Henri Robert, la Cour vous remercie de cette intervention. Mais je vous rappelle que nous n'en sommes pas encore aux plaidoiries. Je demande l'indulgence de la Cour. Monsieur Larsan, j'aimerais vous poser encore au moins une question. Je vous en prie, monsieur le président. Si l'on retient votre hypothèse, monsieur Larsan, pourriez-vous expliquer à la Cour ce qu'est devenu l'assassin ? Eh bien, il s'est évidemment caché, monsieur le président. Il s'est caché dans un coin obscur de ce petit bout de cour. Et après le départ des gens du château qui emportaient le corps du garde, eh bien, ma foi, il s'est enfui tout tranquillement. Alors, monsieur le président, un peu de silence, s'il vous plaît. Un peu de silence. Excusez-moi, monsieur le président. D'une part, je suis tout à fait d'accord avec Frédéric Larsan en ce qui concerne le coup de couteau au cœur. Mais après, je ne suis plus, mais plus du tout de son avis sur la manière dont l'assassin s'est enfui au bout de la cour. Ces manifestations sont intolérables. Si l'assistance continue à manifester un mépris aussi souverain à l'égard de la justice, je me verrai dans la pénible nécessité de faire évacuer la salle. Mon cher André, qu'on le veuille ou non, ce procès nous échappe. Ce Rouletabille me plaît infiniment. Vous avez vu, il a sauté par-dessus la balustrade qui sépare le public du prétoire. C'est du grand théâtre. Ça vaut largement 10 effets de manchette. Oh, regardez, il parle à l'oreille de son directeur. Ma parole, mais il s'embrasse. C'est la dernière fois que j'en appelle au calme. La prochaine fois, je fais évacuer la salle. Je donnerai cher pour savoir ce que se racontent Rouletabille et son directeur. Ça y est, monsieur le directeur, j'ai toutes les preuves. Vous pouvez me rendre l'enveloppe. Merci beaucoup. Ainsi, vous tenez l'assassin. Absolument, je le tiens. Ce tumulte est inconcevable. Le procès va se terminer à huis clos. Et je vais ordonner que l'on se saisisse de ce perturbateur. Le perturbateur, c'est moi, monsieur le président, et je vous prie de bien vouloir excuser le trouble que j'ai pu causer dans ce prétoire. Le mal est fait, monsieur. Hélas, j'arrive d'Amérique et le transatlantique a eu du retard. Ça ne m'a pas permis d'arriver à l'heure, à l'audience, et... Mais je pense que mon témoignage, tout de même, a une certaine valeur. Je suis Joseph Rouletabille. Silence immédiatement. Ah, vous êtes Joseph Rouletabille. Eh bien, monsieur Rouletabille, je suis moi, Émile Rocou, bâtonnier, et président de ce tribunal de cour d'assises. Je suis donc parfaitement habilité à vous faire savoir ce qu'il en coûte de troubler la sérénité de la justice. En attendant que la cour délibère et tranche sur votre cas, silence! Et en vertu de mon pouvoir discrétionnaire, je vous arrête. Mais monsieur le président, j'ai présenté mes excuses au tribunal. Monsieur Rouletabille, quand on assassine une rentière et qu'on ajoute ensuite, franchement, je ne l'ai pas fait exprès, on a quand même assassiné une rentière. Ce n'est pas votre cas, c'est vrai, mais c'est une question de principe. Oui, mais enfin, monsieur le président. Gendarme, assurez-vous de la personne de monsieur Rouletabille. Faites évacuer la salle. La séance est levée. C'était Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Adaptation Philippe de Rèze. Aujourd'hui, 20e épisode, avec Rouletabille, Philippe Nicot, Sinclair, Philippe de Rèze, Darzac, Michel Rull, Larsan, François Mestre, Madame Mathieu, Monique Gérard, Maître Henri Robert, Pierre Olivier, S. Philippe Moreau, le président Rocou, Claude Pieplu, le greffier Bernard Musson, et les voix de Michel Morano, Marek Achour, Gérard Thirion, Jacques Cornet, Cécile Amcy, Alain Kerval. Bruitage Louis Amiel. Groupe de réalisation Arlette Adrian, Daniel Coccol, Serge Cohen, Anna Sibert. Réalisation Jean-Jacques Vienne. Mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Adaptation Philippe de Rèze. Avec Philippe Nicot dans le rôle de Rouletabille. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat. Monsieur le Président, ne me faites pas arrêter. Je suis venu me mettre à la disposition de la justice, et même si je ne l'ai pas fait dans des formes académiques, vous ne pouvez pas refuser de m'entendre. Il y va de la vie de l'inculpé. Président Rocou, j'exprime sincèrement à l'égard du tribunal mes plus profondes excuses. Je respecte la justice, mais hélas, j'ai dû entrer comme j'ai pu. Je vous remercie de ces explications, monsieur. Soyez persuadé que le tribunal en tiendra compte. Gendarme, qu'on l'emmène. Monsieur le Président. Maître Henri Robert. Plaise à la Cour de bien vouloir excuser Joseph Rouletabille. C'est un journaliste brillant et un enquêteur de qualité. Il n'a que les défauts de ses qualités, monsieur le Président. À la vivacité d'esprit correspond souvent chez un homme jeune une certaine désinvolture. À la générosité du cœur, un élan irrépressible pour la vérité. Je propose que nous étudions cela plus tard, maître, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. La défense insiste respectueusement, monsieur le Président. Joseph Rouletabille n'est pas un témoin comme les autres. Je crois au contraire que nous avons la chance d'avoir ici un témoin inespéré. Joseph Rouletabille a séjourné au château du Glandier pendant toute la semaine mystérieuse, il prétend prouver l'innocence de l'inculpé. Dois-je vous rappeler, maître, que les débats que je préside n'ont pas d'autre dessein ? Prouver la culpabilité ou l'innocence de Robert Darzac. Monsieur le Président, Rouletabille proclame qu'il possède le nom de l'assassin. Merci, maître. Bien. Jeune homme, tout ceci est extrêmement grave. Vous connaissez le nom de l'assassin ? Oui, monsieur le Président. Et vous allez nous livrer ce nom ? Mais je ne suis venu que pour cela, monsieur le Président. Monsieur le Président, Joseph Rouletabille ne figure pas sur la liste des témoins. Je demande à la Cour d'user de son pouvoir discrétionnaire afin que vous puissiez l'interroger. Bien, bien, bien. Nous l'interrogerons, mais finissons-en d'abord. Monsieur le Président, la parole est à monsieur l'avocat général. Monsieur le Président voudra bien excuser cette intervention, et je pense que l'on me rendra cette justice. L'avocat général n'est guère intervenu jusqu'à présent, bien que les débats aient pris une tournure peu commune, qu'en tant que magistrat, je ne puis que réprouver. Mais je viens d'apprendre, et on rapporte de tous les côtés, que ce jeune homme détient non pas la pierre philosophale, mais le nom de l'assassin. Nous allons gagner un temps bien précieux si ce nom nous est livré dans les plus brefs délais. À quoi bon continuer à errer si Joseph Rouletabille, journaliste de grand talent et expert criminologue, n'a qu'à ouvrir la bouche afin d'éclaircir les ténèbres dans lesquelles nous sommes plongés depuis déjà un certain temps. Le tribunal apprécie à sa juste valeur l'ironie caustique de monsieur l'avocat général. Et si ce dernier attache de l'importance à la déposition de Joseph Rouletabille, je ne vois pour ma part aucun inconvénient à ce que le témoin nous révèle tout de suite le nom de l'assassin, enfin de son assassin. Eh bien, monsieur, nous attendons. Si vous me voyez regarder ma montre avant de vous répondre, monsieur le Président, je vous prie de n'y voir aucune impertinence. Malheureusement, je ne pourrai vous dévoiler le nom du coupable qu'à 6h30. Oh. Monsieur le Président, je m'assure. Or, nous avons 4 bonnes heures devant nous. Après un coup comme celui-là, il aura du mal à retrouver la sympathie du jury. Il mène très bien sa barque, mais j'ai très peur qu'il n'affiche en l'air la défense de Darzac. Nous sommes en cour d'assises, et il confond avec Medrano. C'est du cabotinage pur et simple. Bon, écoutez, monsieur Rouletabille, la plaisanterie a assez duré. Vous pouvez vous retirer dans la salle des témoins et rester à la disposition du tribunal. Je vous affirme, Monsieur le Président, que lorsque je vous aurai dit le nom de l'assassin, vous comprendrez qu'il m'était absolument impossible de le dévoiler avant 6h30. Ma parole d'honnête homme, foi de Rouletabille. Cependant, si ça intéresse la justice, je peux fournir des explications sur le meurtre du garde. Frédéric Larsan, qui m'a vu travailler au château du Glandier, pourrait vous dire avec quel soin j'ai étudié toute l'affaire. J'ai beau être d'un avis contraire au sien et prétendre qu'en faisant arrêter Robert Darzac, il a fait incarcérer un innocent, Larsan ne doute pas de ma bonne foi, ni de l'importance qu'il faut attacher à mes découvertes, qui ont souvent corroboré les siennes, d'ailleurs. Au fait, monsieur, au fait. Je vous en prie, monsieur le président. Je me permets d'assister. Il serait intéressant d'entendre un peu plus Joseph Rouletabille. Est d'autant plus intéressant qu'il ne partage pas du tout mes déductions. Bien. Si monsieur l'avocat général n'y voit pas d'obstacle, et bien que cette procédure soit tout à fait inhabituelle, j'accepte cette façon de diriger les débats qui peut peut-être servir la cause de la vérité, mais sûrement pas celle du code de procédure pénale. Oh, la partie civile sacrifie tout à sa passion de la vérité. Merci, maître. Monsieur Frédéric Larsan. Monsieur le Président. Nous vous écoutons. Monsieur Larsan, dites-nous en quoi vos déductions diffèrent de celles de Monsieur Rouletabille. Eh bien, il est vrai que Rouletabille et moi-même sommes d'accord en ce qui concerne le coup de couteau qui a mis fin au jour du garde et qui lui a été donné par l'agresseur de Mathilde Stangerson. Mais là où nous ne sommes pas d'accord, c'est sur la question de la fuite de l'assassin par le bout de la cour. C'est bien cela, monsieur Rouletabille. C'est tout à fait cela, monsieur Larsan. Eh bien, dans ces conditions, je suis curieux, au même titre que l'Assemblée, de connaître les explications de cette fuite vue par monsieur Rouletabille. Je vous l'accorde, monsieur Larsan, c'est en effet curieux. Ah, je vous en prie, silence. Il n'y a vraiment pas de quoi rire. Tout à fait raison, monsieur le président. Il n'y a vraiment pas de quoi rire. Silence. Vous avez entendu, jeune homme, ce que vient de dire Monsieur Larsan. Comment, selon vous, l'assassin s'est-il enfui du bout de cour? Monsieur le Président, j'aimerais que Madame Mathieu revienne à la barre. Madame Mathieu! Madame Mathieu, puisque vous avez bien voulu faire l'aveu de votre légèreté devant ce tribunal et reconnaître que vous étiez, et ce depuis un certain temps, la maîtresse du garde, de l'homme en vert, il me semble que vous pouvez bien révéler que vous aviez souvent rendez-vous la nuit avec votre amant au premier étage du donjon, dans la chambre qui fut autrefois un oratoire. Dieu protège ainsi les amours ancillaires. Ai-je raison, Madame Mathieu? Pour ancillaires, je ne sais pas. Ah, oui. Pour le reste... Bon, exact, oui ou non? C'est la vérité. J'ajouterais que ces relations nocturnes sont devenues de plus en plus fréquentes par le fait que le mari de Madame Mathieu était cloué au lit par une crise aiguë de rhumatisme. C'est la vérité, madame? Non, dites seulement oui ou non. Oui, c'est vrai. Vous n'êtes coupable qu'envers votre mari, madame, mais je ne vous félicite pas pour votre moralité. Monsieur le Président, quand un homme marié fait la même chose, on dit simplement qu'il est en bonne santé. Alors... Je vous dispense de vos commentaires, madame. Je vous en prie, monsieur Rouletabille. Pour jouir... Monsieur... D'une relative sécurité, madame Mathieu et son amant avaient trouvé un moyen efficace, légal et parfaitement approprié, une piqûre de morphine. Enfin, un médicament à base de morphine. Cela donnait au père Mathieu le calme et le repos. Et ça tranquillisait son épouse pendant, pendant quelques heures. Ces quelques heures qu'elle mettait à profit pour parfaire ses entretiens avec l'homme en vert. La subtile délicatesse de monsieur Rouletabille nous émeut. Merci, monsieur l'avocat général, merci. Poursuivez, monsieur Rouletabille. Donc, pour ses escapades nocturnes, madame Mathieu s'enveloppait dans un grand châle noir, afin de n'être pas reconnue, au cas où elle ferait une rencontre fortuite. Et voilà l'explication du fantôme noir qui, quelquefois, troubla les nuits du père Jacques. Et c'est pas tout! Quoi encore? Il fallait également un signal. n'est-ce pas, Madame Mathieu? Non, pourquoi faire un signal? Mais pour prévenir son amant, Monsieur le Président. Ah, c'était pas très ingénieux ni très malin. Madame Mathieu avait tout simplement emprunté son chat à la mère à genoux. La mère à genoux? Oui, c'est une espèce de sorcière qui sévit à Sainte-Geneviève-des-Bois. Elle possède une bestiole à vous donner des cauchemars. Et qui miaule d'une façon sinistre. Dans le pays, on appelle ça le cri de la bête du bon Dieu. Bon, alors? Alors, dès que le garde entendait le cri, il descendait de son donjon et venait ouvrir la poterne à sa maîtresse. Quand les réparations du donjon furent entreprises, les rendez-vous continuèrent d'avoir lieu dans l'ancienne chambre du garde, au donjon même. La nouvelle chambre qu'on avait momentanément abandonnée à ce malheureux serviteur ne pouvait en effet convenir à des rencontres clandestines, dans le moins qu'on puisse dire, et qu'elle devait être bruyante et passionnée. Située à l'extrémité de l'aile droite du château du Glandier, elle n'était séparée de la chambre du maître d'hôtel et de son épouse que par une cloison dont le moins qu'on puisse en dire également est qu'elle était trop mince. Bon, j'en arrive au soir de l'assassinat du garde. Monsieur Rouletabille, la cour a apprécié comme il convient les éclaircissements que vous venez de donner, mais nous arrivons au plus sérieux, à la mort du garde. Donc, Madame Mathieu vient de quitter son amant en parfaite santé quand survient le drame qui se joue dans le petit bout de cour. Après ce qui vient de se passer entre eux, on peut penser que Mme Mathieu et le garde n'ont plus grand-chose à se dire. Alors, ils sortent ensemble du donjon. N'est-ce pas, Mme Mathieu? Mme Mathieu, je vous en prie. Si toutes les femmes infidèles devaient se conduire comme vous, le monde entier serait peuplé de pleureuses. Ah, nous admettons que vous puissiez être affligée. Et vos pleurs réitérés seraient là pour nous le rappeler au cas où nous aurions tendance à l'oublier. Mais je tiens à vous préciser que vous êtes ici en cour d'assises, dans une enceinte de justice, et que vous devez répondre aux questions qui vous sont posées. Vous avez juré de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Oui. Oui, monsieur le président. Donc ce soir-là, êtes-vous réellement sorti du donjon en compagnie de votre amant? Oui, monsieur le président. Veuillez continuer, monsieur Rouletabille. Je n'ai appris ces détails, monsieur le président, que grâce à l'examen des traces de pas auxquelles je me livrais le lendemain matin dans la cour d'honneur. Un détail encore. Bernier, le concierge, que j'avais placé en observation avec son fusil derrière le donjon. Ainsi qu'il pourra vous l'expliquer lui-même, il était dans l'impossibilité de voir, d'observer ce qui se passait dans la cour d'honneur. Il n'y arriva qu'un peu plus tard, attiré par les coups de feu. Et entendant nos sommations, il tira à son tour. Bon, s'il vous plaît, revenons à notre couple. Bien. Oui, d'ailleurs, je me proposais de le faire, monsieur le président. Donc, revenons à madame Mathieu et aux gardes. Ils viennent de sortir. Ils sont l'un près de l'autre, dans la nuit noire et le silence de la cour d'honneur. On peut très bien ne pas avoir beaucoup de conversation, mais après ce qui s'est passé entre eux, on peut penser néanmoins qu'ils se disent « bonsoir ». Exact, madame Mathieu. C'est tout comme, monsieur Rouletabille. Madame Mathieu, alors, se dirige vers la grille ouverte de cette cour et le garde, son devoir accompli, s'en retourne se coucher dans sa petite pièce en encorbellement. Pièce qui se trouve, je l'ai déjà dit, à l'aile droite extrême du château du Glandier, n'est-ce pas? Bien. Alors, il va atteindre la porte quand deux coups de feu retentissent. Ah, là, il est inquiet, anxieux pour la femme qu'il vient de quitter. Et si le mari, Mathieu, n'avait pas une crise de rhumatisme aussi douloureuse qu'il a bien voulu le clamer, et s'il avait tiré sur elle? Oh, dans un certain sens, le garde n'est pas un mauvais homme. Alors il se retourne, il revient sur ses pas. Et à l'instant précis où il touche à l'angle de l'aile droite du château, une ombre bondit sur lui, le frappe et meurt. Madame Mathieu, vous avez la douleur intolérable dans une enceinte de justice. Nous respectons votre chagrin, bien qu'il soit parfaitement illégitime, mais vous-même, s'il vous plaît, respectez la justice. Qui est légitime, elle. Je peux continuer, monsieur le président? Je vous en prie, monsieur Rouletabille, poursuivez. Bien. Où on est? Ah oui, oui. Le cadavre du garde est immédiatement ramassé par mes amis et moi, et en toute bonne foi, nous croyons tenir l'assassin. Et en fait, nous n'emportons que l'assassiné. Pendant ce temps-là, me direz-vous, que fait Madame Mathieu ? Alors, je vous demande, madame, de bien vouloir m'interrompre... Oh, mais j'aurais jamais... De bien vouloir m'interrompre, chère madame Mathieu, si je m'écarte un tant soit peu de la vérité. Si par inadvertance, je me fourvoie dans le récit un peu confus de ce qui s'est passé ce soir-là. Donc, si vous n'intervenez pas, c'est que je suis dans le vrai. Bien, monsieur Rouletabille. Et que les choses se sont bien passées telles que je les aurais décrites. Bien. Donc, les détonations n'ont pas manqué de vous impressionner, n'est-ce pas, madame ? Alors, ne sachant où diriger vos pas, vous cherchez à vous faire la plus petite possible dans cette grande cour d'honneur vide et noire. Vous vous demandez, et c'est bien naturel, si un jaloux découragé n'a pas fait un carton sur l'heureux élu, l'amant comblé, en un mot, l'homme vert. Je suppose que pendant un court instant, vous songez à vous enfuir. Dans le fond, la cour est vaste et vous êtes tout près de la grille. Vous pourriez très bien passer inaperçu. Seulement, voilà... Réaction féminine, humaine, je dirais normale. Vous restez sur place, figé, muette d'horreur. Vous voyez emporter le cadavre de celui qui, peu de temps avant... Enfin bref. C'est alors que vous éprouvez un tragique pressentiment. C'est toujours d'accord ? Oui, oui, c'est bien ça. Vous allez donc jusqu'au vestibule du château, vous y pénétrez, vous jetez un coup d'œil à l'escalier. C'est là que l'on a allongé le corps du garde. Oui, oui, oui, je l'ai vu. Il était mort allongé sur la marche. Réaction parfaitement naturelle, vous vous enfuyez. Oui. Chronologiquement, messieurs, c'est maintenant qu'intervient le père Jacques. La cour vous remercie de tenir compte de la chronologie des faits, monsieur Rouletabille. Mais c'est bien normal, monsieur le président. Alors, un peu avant le crime, cette même nuit, le père Jacques a été réveillé par les cris de la bête du bon Dieu. Il s'est levé et, comme il était à prévoir, compte tenu de ce que j'ai révélé précédemment, il a aperçu à la fenêtre le fameux fantôme noir. Il a une réaction normale. Il veut savoir. Il veut, une fois pour toutes, observer de très près le visage de ce fantôme. Alors il descend, il s'approche et il reconnaît madame Mathieu. N'est-il pas vrai, madame ? Oui, monsieur Rouletabille. Bien. Le père Jacques est un vieil ami de madame Mathieu. Obligatoirement, il lui pose des questions. Alors, que faire ? Elle avoue ses amours clandestines avec le garde, ses rendez-vous. Et dans son affolement, elle supplie le père Jacques de bien vouloir la sauver, car le moment est difficile. C'est toujours d'accord, madame Mathieu ? Oui, monsieur Rouletabille. C'est exactement ça. Le père Jacques est un très brave homme. Il prend en pitié madame Mathieu, car il fait nul doute que cette pauvre femme qui venait de voir son amant sans vie devait être dans un état pitoyable. C'est alors que le père Jacques vous a accompagné à travers la chênaie, vous a conduite hors du parc, au-delà même des bords de l'étang, jusqu'à la route d'Épinay sur Orge. Et arrivé là, il ne vous restait plus, madame, que quelques mètres à faire pour rentrer chez vous. Hein ? C'est bien ainsi que tout s'est déroulé ? Oui, parfaitement. Monsieur le Président, j'aimerais que le témoin ne soit pas sans cesse influencé par des demandes d'approbation réitérées. Je pense que Monsieur Rouletabille vous a entendu. Si j'adhère en tout point à votre démonstration, Monsieur Rouletabille, je suis obligé de constater que le père Jacques a délibérément omis de rapporter un fait important s'étant déroulé la nuit du crime. Une sorte d'obstruction au cheminement de l'enquête, une entrave à la justice. Sans doute, monsieur le président. Le père Jacques est rentré au château et il s'est tué. C'est vrai. On trouve rarement autant de duplicité chez des gens simples. Mais il voulait simplement éviter à une pauvre femme dans le malheur les chicaneries d'un interrogatoire inutile, peut-être. Mieux valait, selon lui, que l'on continue d'ignorer la présence de madame Mathieu sur les lieux. Bon, vous permettrez à la cour, monsieur, de ne pas être de cet avis. Regardez dans la tête de monsieur Frédéric Larsan, monsieur le président. Elle prouve que j'ai vu juste et que mon explication est la bonne. Il y a longtemps qu'il a compris N'est-ce pas, monsieur Larsan ? Oui, en effet. Alors, Frédéric Larsan m'a vu, le lendemain matin, penché sur une double piste, où l'on rencontrait, voyageant de compagnie, l'empreinte des pas du père Jacques et celle des pas de madame Mathieu. Ah, voyez-vous, chère madame, tout le malheur vient du fait que les empreintes de vos pieds ressemblent à s'y méprendre aux traces des pas élégants de l'assassin. Silence ! Silence dans la salle, monsieur Rouletabille n'en a pas terminé. Et non, monsieur le président. Madame Mathieu a le pied élégant, long, et je dirais un rien trop grand pour un pied féminin. Mais c'est comme ça. Et c'est à la différence d'un bout pointu, l'empreinte identique du pied de l'assassin, c'est vrai. Mais attention, gardons-nous d'imaginer des choses, car je m'empresse d'ajouter que ça ne signifie rien, et qu'un brillant policier qui bâtirait un système sur des marques extérieures semblables, sans mettre une idée générale autour, bien, irait tout droit à une monumentale erreur judiciaire, car enfin, M. Robert Darzac lui aussi a les pieds de l'assassin. Et pourtant, pas plus que Mme Mathieu, il n'est l'assassin. Allons. Revenons aux faits, sinon je me verrai dans l'obligation de sévir. Madame Mathieu. Oui, monsieur le président. Vous confirmez tous les dires de monsieur Rouletabille concernant la soirée et la nuit du crime ? Oh oui, monsieur le président. C'est vraiment à croire qu'il se trouvait derrière notre dos. Je vous en prie, madame, faites très attention à ce que vous allez dire. Votre réponse revêt une importance considérable. Madame Mathieu, je vous pose une question précise. D'après les explications fournies par M. Rouletabille, vous avez forcément vu fuir l'assassin à l'extrémité de l'aile droite du château. Oui, monsieur le président. De la même façon, j'ai vu emporter une minute plus tard le corps du garde. Alors, ma question est simple. Qu'est devenu l'assassin ? Madame, je vous le demande. Mais je ne sais pas, monsieur le président. Qu'est-ce que vous dites ? Mais que je ne sais pas, que je ne sais rien. Madame Mathieu, vous avez reconnu être restée seule dans la cour d'honneur. Il est tout naturel que dans ces conditions, vous ayez aperçu l'assassin. D'autre part, il ignorait votre présence et il ne pensait, lui, qu'à s'échapper. Je vous jure que je n'ai rien vu, monsieur le président. Vous pensez bien qu'après avoir avoué tout ce que j'ai avoué, je pourrais également avouer l'avoir vu. Seulement voilà, il faisait très noir, une nuit bien obscure. Je ne sais pas ce qu'il est venu ou il est passé. Monsieur Rouletabille. Oui, monsieur le président. Devant la carence de votre témoin, carence involontaire, je veux bien le croire, vous n'allez pas nous laisser sur notre faim. Certainement pas, monsieur le président. Puisque vous avez si astucieusement montré la voie, j'imagine que vous êtes en mesure maintenant de nous expliquer comment l'assassin s'est enfui. Mon intention n'était pas de m'arrêter en si bon chemin, et je suis en effet capable d'expliquer comment l'assassin s'est enfui. Et vous verrez, c'est d'une simplicité désarmante. C'était Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Adaptation Philippe de Rez. Aujourd'hui, 21e épisode. Avec Rouletabille, Philippe Nicot. Larsan, François Mestre. Madame Mathieu, Monique Gérard. Maître Henri Robert, Pierre Olivier. S. Philippe Moreau. Le président Recoux, Claude Pieplu. Le greffier, Bernard Musson. Et les voix de Michel Morano, Marek Achour, Gérard Thirion, Jacques Cornet, Cécile Amcy, Alain Kerval. Bruitage, Louis Amiel. Groupe de réalisation, Arlette Adrian, Daniel Cocolle, Serge Cohen, Anna Cybert. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Ces épisodes ont été diffusés pour la première fois sur France Culture les 28 et 29 août 1983. Vous pourrez les réécouter en ligne durant 1000 jours ou les télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture. Pour brasser de l'air, c'est qu'on est doué. Quand t'es garde en smoking dans la baignoire, pour un dernier verre, et tant mieux s'il se fait tard. On fera le salto arrière dans le noir. À quoi ça nous sert d'aller dormir? Nous, on dormira quand on sera mort. Tes ailes se froissent et mes îles se noient.